On est habillé depuis 36 ans comme ça, en pierrot. Mon mari, il a commencé le carnaval très jeune. Moi, une fois que je me suis mariée avec mon époux, bien sûr, j'ai continué avec lui. Et puis, on est parti. Et voilà, ça fait 36 ans de... Et on adore. On adore. Et quand, ce qu'on aime bien, c'est que, bon, il y a toutes catégories confondues. Là, on va dire, il n'y a pas les patrons, etc. Il n'y a personne. On est tous des amis, on est tous heureux. C'est génial. Et puis, on a le temps. C'est génial. C'est génial. On adore ça. Et c'est vrai qu'on attend tout le temps notre carnaval. C'est sacré. C'est sacré. Puis ça fait du baume au cœur. On est reparti. Ça nous ressource. Avant, on faisait beaucoup, beaucoup. Mais bon, je ne veux pas dire avec notre âge, mais on ralentit quand même. On ralentit. Hein. Avant, on faisait toutes les bandes. Toutes les bandes. Mais maintenant, on ralentit quand même. Hein. On fait les plus belles. Je ne veux pas dire les plus belles, elles sont toutes belles. Mais on fait les principales. On fait les principales. On commence en fait 10 quand même. Ouais, une dizaine. Ça va hein. Bah, on ne va pas manquer ça. Hein. On ne va pas manquer ça. Même quand on travaillait... On se dépêchait, on se maquillait et hop, on était parti. Et même quand on rentrait au petit matin, à 4 heures, ben j'étais debout pour partir au travail. J'avais un œil ouvert, un œil fermé. Et c'est vrai. Et on était bien. On se sentait bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et on retrouve tous nos amis aussi. Les amis carnavalesques qu'on ne se connaît pas en civil, on se revoit en carnaval. C'est ça qui est génial. C'est génial. Et il y a toujours une amitié qui est là. Tout le temps une amitié. Et on pense à ceux qui sont partis là-haut aussi. Nos amis les carnavaleux qui nous ont quittés. Ça reste aussi dans nos cœurs aussi, ça. Voilà. C'est tout. Parce que c'est vrai que Gédaron, c'est pas facile pour arriver. J'ai eu la chance par monsieur le maire de Dakar d'avoir deux places pour Gédaron. Et quand on a lancé les arons, j'ai dit, c'est pas possible. Comment qu'on tient? Quand on voit tout le monde, la fourmilière, mais comment qu'on tient dedans? C'est pas possible, mais c'est magnifique, c'est gigantesque, on n'a pas les yeux assez grands pour voir. De là-haut de la mairie, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Ah ouais, franchement, c'est beau. C'est long parce qu'on arrive à 3h30 pour prendre nos places. Avant, 18h, il faut attendre. On sait très long pour faire le Gédaron. Mais quand on est carnavaleux, qu'on veut faire ça, on attend, on est patient. Mais c'est vrai que c'est génial. On l'a fait une fois, c'est magnifique. Et on a fait celui de Saint-Paul aussi. Nous, on est de Saint-Paul-sur-Mer. On a eu le droit aussi par monsieur le maire de faire le Gédaron aussi. Mais c'est magnifique, c'est beau. Il faut voir ça. On en a plein les yeux. Plein les yeux de faire ça. Et on adore, et on adore. Et ça, c'est notre ami.